Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au 107. Nous sommes une heure sur Radio Guémozo pour l'émission La parole est à vous. Alors, aujourd'hui, avec un dossier consommateur, et oui, la presse consumériste est déjà dans les kiosques pour le mois de mars 2019. Voilà, on va commencer par l'édito d'Arnaud de Blove, le rédacteur en chef de Que choisir. Dans son édito, il dit quand même certaines choses qui sont particulièrement valables. Au moins, le grand débat national a-t-il le mérite de nous obliger à nous interroger sur le sens des mesures prises par nos gouvernants et de réfléchir à des solutions qui, bien sûr, mériteront d'être triées et appliquées une fois l'exercice terminé. Dans ce bourdonnement, l'UFC Que choisir vous propose de participer à son référendum. 12 propositions argumentées qu'elle vous demande d'approuver ou non. Et je souligne que c'est dans Que choisir, bien sûr, du mois de mars, et c'est dans les pages 12 et 13, pour donner une référence. À vous d'aiguillonner de manière constructive les politiques mises en œuvre. Il y a du travail, tant sont nombreuses les mesures illogiques et contre-productives. Ainsi, dans son dernier rapport annuel, la Cour des comptes pointe l'organisation des urgences hospitalières, dont l'engorgement est souvent dénoncé. Parfois, on y meurt abandonné sur un brancard, comme cela s'est récemment produit à l'hôpital Lariboisière à Paris. Trop de visites ne sont pas motivées par une urgence, mais par l'absence de réponse médicale adaptée. Face à cette situation aberrante, des alternatives comme le développement des maisons médicales sont recherchées. Mais la Cour relève que les urgences restent toujours trop sollicitées, plus 15% en 4 ans. Est-ce si étonnant? Au-delà des déclarations de bonnes intentions, il y a la réalité du système mis en place. Le gendarme financier note que les hôpitaux n'ont aucun intérêt à voir leurs services d'urgence se vider, car ces derniers sont principalement financés par deux forfaits. Le premier est versé pour chaque patient admis, le deuxième calculé en fonction du nombre de passages visant à couvrir les charges fixes. Et si les directeurs d'établissements hospitaliers se défendent de vouloir gagner de l'argent avec leur urgence, on comprend qu'ils en perdraient beaucoup s'ils orientaient fermement les cas les moins graves vers la médecine de ville. De la cohérence, de l'efficacité, voire du bon sens, c'est ce que réclament aujourd'hui fortement les citoyens. Chiche, dit Arnaud de Blove. Alors je voudrais quand même faire, c'était très intéressant cet édito d'Arnaud de Blove, mais faire une remarque, hein, c'est que si les gens vont aussi vers les urgences, c'est que dans des pays comme ici, par exemple, c'est très difficile de trouver un médecin, par exemple, un médecin de permanence le samedi, le dimanche, hein, voire les soirs. Et donc, ce n'est pas étonnant que les gens vont vers les urgences, parce qu'il n'y a pas une réponse médicale adaptée en face. Et donc, les gens se dirigent vers les urgences de plus en plus nombreux. Voilà, y a des déserts médicaux, y a des permanences, les médecins ne veulent plus travailler comme les médecins d'autrefois, et donc on a de graves problèmes. Et on s'aperçoit quand même que l'édito de Arnaud de Blove, c'est aussi par rapport à quelqu'un qui voit la vie parisienne, qui ne se rend peut-être pas compte de ce qui se passe en province, dans des vallées comme les nôtres, où effectivement on manque de médecins. On manque de médecins en permanence, je dois dire. Voilà, on va changer de sujet de conversation, j'allais dire, et puis parler de la santé, toujours par rapport aux fongicides. Alors, d'après les études, il n'y a pas de risque avéré, mais un collectif de 8 chercheurs du CNRS, de l'INSERM et de l'INRA lançait au printemps dernier une alerte sur les fongicides employés en agriculture contre les champignons et les moisissures. Le CDHI. Très utilisé en grande culture, en culture fruitrière et légumière. Il n'avait jusque-là jamais fait parler d'eux. Mais les scientifiques du collectif mettaient en cause leur mode d'action. Il bloque en effet l'enzyme SDH, qui assure la respiration des cellules des champignons. Or, cette enzyme existe chez les humains et son blocage est impliqué dans des modifications de structure de l'ADN, ce qui favorise la survenue de cancers. Aussitôt, l'ANSES, Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail, s'était saisie du sujet. Son rapport d'expertise conclut que les hypothèses du collectif des chercheurs n'apportent pas d'éléments en faveur d'une alerte sanitaire pour la santé humaine et l'environnement en lien avec l'usage agricole de ces fongicides qui pourraient justifier la modification ou le retrait des autorisations de mise sur le marché. Fin de citation. L'ANSES annonce néanmoins poursuivre ses investigations. Sa filière agricole respire. Les scientifiques lanceurs d'alerte ne sont pas convaincus. Voilà, ben oui, comme d'habitude, l'ANSES ben, a beaucoup de difficultés pour se situer par rapport à des risques qui semblent pourtant avérés. C'est une affaire, bien sûr, à suivre. Alors, on va changer complètement de sujet puisqu'on va parler de diagnostic énergétique gratuit. Nouvelle offensive d'arnaque. En septembre dernier, dit que choisir, nous avions mis en garde contre les démarcheurs sans scrupules, qui appâtent au téléphone pour un bilan énergétique gratuit. Ils ont un seul objectif, vous vendre du matériel à prix d'or. Une fois chez vous, attention, vu le nombre de témoignages reçus tout récemment, les arnaques repartent de plus belle. Claudine s'est vue proposer un diagnostic énergétique gratuit. Son interlocuteur lui assurant qu'il allait devenir payant et que le fournisseur d'énergie pouvait l'exiger. Chez Martin, la préposée au téléphone explique que le gouvernement s'apprête à imposer le contrôle énergétique des logements au plus de 15 ans pour un coût de 300 euros. Heureusement, elle peut envoyer un technicien qui fera gratuitement. Pour convaincre Florence de l'obligation, l'audit énergétique, l'opérateur s'est même appuyé sur le Grenelle de l'environnement, qui date de 2007. Et on pourrait continuer tant qu'il y a de variantes. Mais ce ne sont que des balivernes. Les entreprises de démarchage à domicile veulent uniquement obtenir un rendez-vous à votre domicile pour vous faire signer un document qui ne sera rien d'autre qu'un bon de commande. Ben voilà, oui, tout le monde sait à quel point ceux qui ont des postes fixes, on est harcelés et réharcelés au téléphone. Voilà, je crois qu'il ne faut pas répondre, bien sûr, ne pas répondre. Et puis même, si la plupart du temps, il y a 3 sonneries et qu'il faut attendre la troisième sonnerie pour décrocher, puisque la plupart du temps, c'est de la pub qui vient de plateformes téléphoniques implantées, par exemple, au Maroc ou ailleurs. Voilà, ben, puisqu'on parle de téléphone, Internet fixe et téléphone mobile. Surveillez vos factures, dit que choisir. Clients Bouygues Télécom, SFR et Free Mobile, lisez bien les documents que vous fait parvenir votre opérateur. Les 3 ont décidé, à quelques jours d'intervalle, d'augmenter le prix de certains de leurs forfaits. Résultat, plus 3 euros par mois pour les abonnés B-Box et plus 2 euros par mois pour certains clients mobiles SFR et Read Free. Lui, n'augmentant pas ses forfaits, mais fait exploser les tarifs des appels passés depuis une ligne mobile vers de très nombreuses destinations étrangères. Les clients concernés ont beau s'émouvoir de ces hausses de tarifs forcés, les opérateurs sont en droit d'augmenter leurs prix comme bon leur semble, à condition d'en avertir les clients par écrit au moins un mois avant leur entrée en vigueur. C'est ce qu'ils ont fait. Même si les messages distribués parlaient plus des enrichissements proposés, appels vers les mobiles inclus, ou plus de gigaoctets selon les cas, que de l'augmentation de tarifs. Vous pensez être concerné par ces hausses, mais vous ne retrouvez pas le message de votre opérateur. Pas de panique, les clients Bouygues et SFR peuvent refuser la nouvelle tarification dans les 4 mois suivant la date du changement depuis leur espace client en ligne. Free, lui, n'autorise aucun refus. Il n'en respecte pas moins la loi. C'est l'article L 224-1 L'article 1-33 du Code de la consommation. Il ne respecte pas dans la mesure où ces offres sans engagement peuvent être résiliées sans frais à tout moment. Ces augmentations à marche forcée ne sont certainement pas les dernières. Bien contents d'avoir trouvé un moyen efficace d'accroître leurs revenus sans trop faire fuir les clients, les opérateurs y auront sans nul doute encore recours, hélas. Eh oui, on sait bien les démêlés qu'on peut avoir avec les opérateurs téléphoniques. Voilà, on va parler d'auto-école. Le secteur crie à la concurrence déloyale. De quoi s'agit-il ? Ils ont débarqué à trois à la rédaction de Que Choisir, des représentants de la branche éducation routière du CNPA, Conseil national des professions d'automobile, qui défend les intérêts des auto-écoles indépendantes, affiliées ou non à de grandes enseignes. Objet de leur venue, dire tout le mal qu'ils pensent des sites web d'enseignement à la conduite. Ornicar, En voiture Simone, ainsi, au moment de leur visite, le leader du secteur, Ornicar, exerçait une forte pression publicitaire via des spots TV et des affiches. Avec comme slogan phare, le permis à 749 euros contre 1800 euros en moyenne dans les établissements traditionnels. Selon une enquête de l'Union fédérale Que Choisir, en 2016, son site Ornicar annonce bien des taux de réussite au code et à la conduite de respectivement 90 et 70%, contre 70 et 59% en moyenne nationale. De quoi faire hurler Patrice Bézonne, le président de la branche éducation routière du CNPA. Derrière ces sites, on trouve des banques, BNP Paribas pour Ornicar, qui veulent faire du permis de conduire inconsommable, gronde-t-il. On ne sait pas qui sont les moniteurs, comment ils sont formés. Les auto-écoles traditionnelles respectent la stricte réglementation qui s'applique à notre secteur. Pas eux, sans que cela n'émeuve les pouvoirs publics, Patrice Bézonne poursuit. C'est de la concurrence déloyale. Chez nous, les moniteurs sont salariés. Nous avons des charges que ces sites n'ont pas, puisque leurs moniteurs sont des travailleurs indépendants. Les élèves sont, eux, présentés aux épreuves sous le statut de candidat libre. Et le tarif de base de 749 euros est mensonger. À cette somme, il faut ajouter le package, formule code de la route, plus le kit d'inscription à l'épreuve pratique de 35 à 39 euros, sur la formule choisie par l'élève. N'empêche, ces nouveaux modes d'apprentissage séduisent de plus en plus de jeunes et les plaintes restent limitées. Dépoussiérer le secteur des auto-écoles et des pratiques pas toujours très favorables aux consommateurs est d'ailleurs l'une des revendications de l'UFC Que Choisir, qui soutient dans le cadre du grand débat national. C'est le point numéro un. Face à cette concurrence, les auto-écoles traditionnelles ne sont pas dans la nuance. Avec ces sites, c'est la sécurité routière qui, à terme, va en prendre un coup, certifie Patrice Bézonne. Nous sommes seuls en mesure d'offrir une rééducation à la conduite. Ben voilà, je ne sais pas ce qu'en pensent les consommateurs. Ben oui, c'est toujours pareil, l'apprentissage en ligne comme ça, puis on ne sait pas trop à quoi s'en tenir. Enfin, toujours est-il qu'il essaye de casser les prix via Internet. Alors, on va repartir dans l'alimentation avec un titre Que Choisir, une assiette plus verte que rouge. Adieu veaux, vaches, cochons, couvées. La dernière mouture du plan national nutrition santé encourage à réduire fortement la consommation de viande dans le cadre d'une alimentation plus saine. Les apports de fruits et légumes sont à augmenter, les Français étant encore loin des 5 fruits et légumes par jour. Nouveauté, les légumineuses, pois, lentilles, haricots, et les fruits à coque, non salés, noix, noisettes, amandes, sont les bienvenus dans nos assiettes au quotidien. Pour le reste, privilégiez les céréales sous forme complète et réduisez drastiquement les produits gras, sucrés et salés, ainsi que les boissons sucrées et l'alcool. les produits notés D ou E par le Nutri-Score sont à limiter. Les PN, les P2N, S, 4 se mêlent également d'environnement. Ainsi, les auteurs incitent à consommer des fruits et légumes de saison et acheter des aliments produits localement et si possible issus de l'agriculture biologique. En parallèle, ils déconseillent les produits sutra-transformés du fait de la présence de nombreux additifs dont on ne connaît pas encore précisément l'impact sur la santé humaine. C'est ce qu'explique Santé publique France. Côté sport, on passe à la vitesse supérieure. Les 30 minutes de marche quotidienne préconisées dans les précédentes PNSS passent à 30 minutes d'activité physique dynamique. Renforcement musculaire, assouplissement ou équilibre. Quant aux personnes sédentaires, c'est-à-dire celles visées sur un siège toute la journée, elles doivent penser à se lever et à bouger toutes les 2 heures environ. Et un menu radical. Hasard du calendrier, la revue médicale The Lancet a publié simultanément un travail sur les régimes à la fois sains et durables. Objectif, élaborer un menu qui préserverait la planète tout en nourrissant correctement ses 7 milliards d'habitants. Il implique un changement drastique de notre façon de manger, en divisant par 2 notre consommation de viande rouge, moins d'1 steak par semaine, et de sucre, et en doublant celle de fruits et légumes, légumineuses et fruits à coque. Il existe aussi une transition vers des systèmes agricoles durables. Cette proposition du Lancet suit la même direction que le PNNS4. En plus radical, les chercheurs n'ont pas eu à tenir compte des habitudes alimentaires d'un pays en particulier, ni de l'acceptabilité de leurs propositions par la société. Les seuils du PNSS pour la viande rouge et l'alcool semblent être des concessions aux habitants, aux habitudes des Français, amateurs de pavés, de bœuf et de vin. Voilà, on en parle depuis bien longtemps de dire il faut consommer des fruits de saison, il faut diminuer les rations de viande, en particulier de viande rouge, il faut diminuer les boissons alcoolisées, etc. etc. On connaît le sucre aussi, bien sûr. Voilà. Donc moins de viande, plus de fruits, de légumes frais et secs. Voilà ce que dit en gros les nutritionnistes et la revue médicale Lancet. Alors, on va peut-être s'accorder une pause musicale. Hein. Autrement, on va reparler plutôt des compteurs Linky. Tout le monde en parle, mais ça apparaît quand même qu'on nous l'impose malgré tout. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, mais toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de toutes les patries, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Alors, bon, plaisir à retrouver Jacques Dutronc. Ah oui, on parlait, je le disais à l'instant, du conteur Lenki. Enedis, puisque c'est eux qui posent des conteurs Lenki, enfin, ils passent souvent par des sous-traitants. Enedis n'assume pas les dégâts. En janvier dernier, un sous-traitant d'Enedis vient poser un compteur Lenki dans les locaux professionnels de François N. à Magny-les-Hameaux, c'est en 78. Il commande d'éteindre les ordinateurs une fois que le compteur installé. Une fois le compteur installé, plutôt, l'activité ne peut reprendre. Un équipement réseau ne comportant ni fusible ni interrupteur ne fonctionne plus. Le responsable fait remplacer, il envoie la facture à Enedis, qui refuse la prise en charge. L'opérateur explique que sa responsabilité ne peut être engagée en cas de fonctionnement anormal ou inadapté d'équipement électrique lors de la reprise de l'alimentation électrique consécutive à une interruption de fourniture. Cela relève de la responsabilité des fabricants qui doivent envisager cette éventualité. Comme si la pose du compteur Lenki n'était pas un acte délibéré imposé justement par Enedis. En 2017, la filiale d'EDF assurait que le lien de causalité n'était pas démontré entre la pose du compteur et l'appareil qui ne démarrait pas après. Si l'argument évoluait, la scandaleuse impunité d'Enedis, alors dénoncée par Kechoisy, reste d'actualité, bien entendu. Hein, sans compter toutes les critiques qu'on peut faire par rapport au compteur Lenki. D'ailleurs, nous avons fait ici des émissions, en particulier avec M. Humbert, sur ce problème des compteurs Lenki. Eh bien, on arrive à Orange. L'ARCEP hausse le ton, paraît-il. L'autorité de régulation des télécoms, l'ARCEP, mettait Orange en demeure en novembre dernier de proposer une meilleure qualité de service sur son réseau de cuivre. Visiblement, les mesures mises en œuvre par l'opérateur ne suffisent pas. Dans le quotidien Les Échos, 31 janvier dernier, le président d'ARCEP a haussé le ton et a insisté sur le fait que les litiges ne se limitaient pas à quelques cas isolés, mais que le problème était systémique. Sébastien Soriano, aussi assuré qu'Orange, ne serait pas jugé sur promesses, mais sur des résultats concrets, une mise au point bienvenue, car entre les fréquentes coupures de connexion Internet, les problèmes de téléphone récurrents et des délais de réparation interminables des milliers de Français souffrent au quotidien du mauvais entretien du réseau cuivre. Ah bah oui, parce que, je le disais récemment, quelqu'un d'Orange, moi je ne peux pas recevoir par la télévision, par le net, j'ai beaucoup de difficultés d'accéder à Internet, et ben on m'a répondu que de toute façon, vivre en plein air, dans un endroit isolé, alors que je ne suis pas forcément dans un endroit isolé, mais enfin, ça se méritait et que, de toute façon, Orange n'était pas un opérateur public. Il n'était plus un opérateur public et qu'à ce moment-là, j'avais qu'à acheter une antenne à 4000 euros pour avoir ce que je voulais. C'est quand même dire un peu à quel point Orange se moque des gens, parce qu'il entretient quand même un réseau, des gens qui ont des difficultés pour recevoir Internet, pour recevoir des prestations de la part d'Orange. Voilà. Alors, les prothèses auditives, on repart dans le domaine de la santé. Première étape dans la réforme du reste à charge, le plafonnement des prix est entré en vigueur le 1er janvier dernier. Les audioprothésistes doivent désormais proposer au sein de leur gamme des appareils auditifs à 100% santé, revenant à 1300 euros maximum par oreille. Parallèlement, pour ces produits, la prise en charge combinée de l'assurance maladie et des complémentaires santé passe à 670 euros par oreille. Plafonnement et remboursement devraient continuer jusqu'à atteindre le reste à charge zéro en 2021. Mais en 2021 seulement. Puis d'ici là, voilà, 1300 euros maximum pour des appareils auditifs. Eh bien, puisqu'on est dans le domaine de la santé, parlons des produits anti-calvitie. Hein, il y a quand même pas mal de personnes qui sont concernées par ces produits anti-calvitie. Vous perdez vos cheveux, je peux vous prescrire du finastéride. Vous en aurez environ 10% de plus sur le sommet du crâne. Et il faudra le prendre à vie. Mais vous risquez de faire une dépression qui peut vous amener jusqu'au suicide, de constater une diminution de votre intérêt libido et des problèmes d'érection qui pourront persister après l'arrêt. C'est d'accord, je vous fais l'ordonnance. Voilà le monologue surréaliste qu'on imagine à la lecture du courrier que l'Agence nationale de sécurité du médicament vient d'envoyer aux professionnels de santé. Rappelons les effets secondaires d'ordre psychiatrique et sexuel du finastéride. L'agence conclut que si un patient consulte parce qu'il perd ses cheveux, il convient de discuter avec lui du rapport entre les bénéfices attendus et les risques encourus. Proposé à l'homme jeune pour enrayer la chute des cheveux, le finastéride 1 mg est commercialisé sous le nom de Propecia et plusieurs génériques sont également disponibles sur le marché. Il fonctionne en bloquant la production d'une hormone appelée DHT, responsable de ce type de calvitie. Son efficacité demeure limitée. Il ne fonctionne que chez la moitié des patients, faisant repousser 11% de cheveux en plus sur le sommet du crâne. Aucune preuve pour les golfs près des tempes. Et la chute reprend à l'interruption du traitement. Ce médicament est loin d'être anodin. Anxiété, dépression, idées suicidaires, diminution de la libido, troubles de l'érection et de l'éjaculation, pathologies musculaires graves, réactions de type allergique, cancer du sein chez l'homme, eh oui, ça existe, persistance des troubles sexuels après l'arrêt du traitement, autant d'effets secondaires à mettre à son passif. Pour ne citer qu'une récente étude menée sur près de 4000 hommes jeunes, 0,8% ont été atteints de dysfonctionnement érectile d'une durée médiane de plus de 4 ans. Pour rassembler les personnes ayant souffert d'effets secondaires, une association aide aux victimes du finastéride a été créée. Elle est sur le point d'assigner le laboratoire MCSD qui commercialise le Propecia dans 4 dossiers. En attendant, un souhaitable retrait du marché récemment évoqué par la revue médicale indépendante Prescrire, car la balance bénéfice-risque est à l'évidence très défavorable, d'autant que le bénéfice n'est que d'ordre esthétique. L'ANSM, l'agence du médicament, qui continue de la juger favorable, n'a pas souhaité nous répondre, dit que choisir, lorsque nous lui avons demandé ce qui lui permettrait d'arriver à cette conclusion. Voilà, je crois, il vaut mieux perdre ses cheveux hein, que, bon, qu'avoir des problèmes sexuels, hein, je crois. Et puis, de toute façon, il n'y a pas que ça, quoi. Mais voilà, on met sur le marché des médicaments, mais ces médicaments ne sont pas toujours à la hauteur des espoirs. Et puis on sait très bien que beaucoup de médicaments, bien sûr, ont des effets secondaires. Alors, puisqu'on parle de médicaments, il y a une liste noire qui s'allonge aujourd'hui. C'est un rendez-vous rituel. Chaque début d'année, la revue médicale indépendante Prescrire dresse le bilan des médicaments les plus dangereux qu'utiles. Pour l'édition 2019, plusieurs spécialités ont été ajoutées à cette liste noire. Alors, c'est des noms médicaux, c'est pas toujours facile à prononcer. La méfénessine, c'est le décontractile, le nom commercial. Ce myorelaxant est autorisé en traitement d'appoint des contractures musculaires douloureuses. Son efficacité n'est pas supérieure à celle d'un placebo. En conséquence, ses effets indésirables, somnolence, vomissement, réaction d'hypersensibilité, sont disproportionnés, même en crème pour application locale. Décontractile baume. Cette substance peut provoquer des atteintes graves de la peau. Voilà, on croyait que le décontractile, ça servait à quelque chose. On s'aperçoit que là encore, il y a surtout des effets secondaires indésirables. L'oxomémazine. Alors, il y a le Toplexil, l'Umex, tout sèche et générique. Est un sirop anti-toux bien connu des familles. C'est également un sédatif qui entraîne somnolence et baisse de la vigilance. Sa notice témoigne du grand nombre de la variété des autres problèmes qui peuvent être provoqués par ce médicament. Troubles de la mémoire ou de la concentration, vertiges, tremblements, confusion, sécheresse de la bouche, troubles de la vue, rétention d'urine, constipation, etc. Pour ces raisons, Que Choisir recommandait déjà de l'éviter en 2016. C'est tout dire, et puis on continue quand même, et puis tout le monde connaît ces médicaments, malheureusement, qui sont utilisés dans les familles. Il ferait mieux de prendre des huiles essentielles ou d'autres composants plutôt que ce genre de sirop. La cimetidine, marque générique, est autorisée pour le traitement du reflux gastro-œsophagien, brûlure d'estomac. Prescrire propose de l'écarter car elle expose à nettement plus d'interactions médicamenteuses que d'autres médicaments de la même classe, dit antihistaminique, tels que la ranitidine, l'antasac. Pour ces raisons, Que Choisir avait déjà conseillé des solutions alternatives. Le trinitrate de glycéryl est une pommade utilisée dans les fissures anales. Prescrire conseille de ne pas y avoir recours en raison de sa faible efficacité, regard de fort maux de tête. Enfin, la revue médicale recommande d'éviter l'ulipristal à 5 mg, c'est un nom de marque Esmia, un médicament autorisé en gynécologie, traitement de tumeurs bénignes de l'utérus, ainsi que l'acide obéticolique. Cholique, Ocaliva, autorisé en gastro-entérologie pour certaines maladies du foie. Pour ces deux traitements aussi, les inconvénients se révèlent plus élevés que les bénéfices. Voilà, c'est bon à savoir quand même qu'il y a des médicaments qui sont sur le marché qui peuvent être plus nocifs qu'utiles. Voilà, alors, tiens. On parle de tricherie à l'italienne concernant les vins. Le Prosecco, un vin pétillant à la mode, utilisé notamment pour préparer les Sprite. Le succès du Prosecco, 600 millions de bouteilles produites en 2018, le double du champagne, fait-il tourner la tête des producteurs italiens. En janvier, les Carabiniers ont saisi 5 millions de litres de vin frauduleux après 871 inspections. 20% d'entre elles ont permis d'identifier de graves irrégularités, non-respect des règles d'hygiène, manque de traçabilité. L'un des phénomènes les plus préoccupants est celui de l'utilisation de substances interdites, à commencer par l'ajout de sucre, ou mou dans le but d'augmenter la teneur en alcool. C'est ce qu'a annoncé, du moins, le ministère transalpin de la Santé dans la région de Trévise, où est produit le Prosecco. Les Carabiniers ont découvert d'importantes quantités de mou non enregistrées, de provenance inconnue. Ils ont notamment saisi 743 000 litres de vin allant être étiquetés à l'appellation d'origine contrôlée italienne. Voilà, ben, on triche sur le vin. Bon, certainement pas qu'en Italie, hein, on chaptalise clandestinement aussi le vin. En France, ça existe, mais il ne faut pas s'y reprendre, comme on dit. Voilà. Bon, ben, on va s'accorder encore une pause musicale avant de parler de problèmes santé. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh fait chier ma langue grave, bébé, j'aime le... Voilà, on reprend ce dossier consommateur. Eh bien, que choisir dénonce une curieuse nomination. Un beau pantouflage qui ne va pas sans susciter de nouvelles interrogations sur les liens qui existent entre les autorités publiques et laboratoires. L'ancien président de la Haute Autorité de Santé, Jean-Luc Arouzeau, hématologue à la retraite, vient d'être nommé à la tête de la Fondation des entreprises de médicaments, une structure qui a été créée en 2008 par le LEM, lobby français du laboratoire pharmaceutique. Voilà, ben, quand on sait un peu comment que ça se passe, voilà, on se dit quand même que c'est quand même anormal que, d'autant plus un retraité, un médecin, hein, qui était à un moment donné dans une structure publique, puisse comme ça partir dans une structure privée. Voilà, il y a de quoi quand même. Il était assez révolté. Alors, j'avais parlé lors du dernier dossier consommateur, de la hausse des prix, hein, en évoquant un dossier qui fait parler. Nos révélations dit que choisir sur la hausse des prix entre 2014 et 2018. Et nos conseils pour économiser ont fait réagir de nombreux lecteurs. Il y a d'abord ceux pour qui ces hausses sont, somme toute, mesurées. 5% en 4 ans, soit un peu plus de 1% par an. C'est du matraquage, comme vous l'appelez en titre, s'interroge Pascal. Pour d'autres, non. Je suis un peu révolté de constater que vous soulignez que ces augmentations ne suivent pas la hausse des salaires. Mais vous ne parlez pas de la stagnation scandaleuse des retraites depuis 2013, souligne Olga, qui vit avec 1200 euros mois. Jean de Brignais, 69, abonde, estime qu'un graphique indiquant l'évolution des prix par rapport à celle des retraites et des salaires aurait été bienvenu. Claudine, elle, pointe la manie des distributeurs de réduire discrètement les quantités de produits sans baisser les prix, ce qui a été pris en compte dans nos calculs, dit Que Choisir, une pratique que nous dénonçons régulièrement. Florence nous a donné une astuce. Le billet congé annuel proposé par la SNCF peut être obtenu à moins 50% au lieu de moins 25% s'il est payé en chèque vacances. Bon à savoir. Enfin, Thomas de Tours propose la pratique du vélo comme source d'économie, à la fois en carburant et en abonnement à la salle de sport. Bonne idée. Pour qu'à l'avenir, vous puissiez réaliser davantage d'économies, découvrez les 12 propositions de l'UFC Que Choisir pour améliorer le pouvoir d'achat des Français. Et signez notre appel à vous mobiliser dans le cadre du grand débat national. Et puis, si vous avez des astuces pour économiser, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse suivante. C'est l'adresse de quechoisir.org. Voilà quand même, bon, qui se mettait. Alors, en plus, Que Choisir publie un rectificatif sur la hausse des prix. Dans le dossier hausse des prix, pouvoir d'achat publié dans notre numéro 577, dit Que Choisir, nous avons écrit que les dépenses alimentaires s'élevaient à près de 4 000 euros par foyer. Ce montant correspond en fait à la dépense par habitant. Voilà, ben oui, hein, et ça pèse lourdement ça pèse lourdement sur les plus petits budgets, bien évidemment, hein, puisqu'on ne peut pas se passer de manger, on ne peut pas se passer de nourriture. Et donc, à partir du moment qu'on a un petit budget, ben, le petit budget, il passe en grande partie dans des dépenses de nourriture, bien entendu, beaucoup plus. Puis le logement aussi, évidemment. Alors, on repart des pollutions par les plastiques. Les bons gestes du quotidien. Les plastiques font régulièrement la une depuis plusieurs mois, avec la publication de diverses études. Il est vrai qu'il y a urgence. On en utilise de plus en plus, alors qu'ils sont une vraie plaie pour notre environnement. Mais chacun d'entre nous peut agir en adoptant quelques gestes simples pour réduire leur consommation. adopté le réflexe du sac de course, glissé dans le sac à main ou la poche au lieu d'accepter des sacs en plastique bio-ressourcés ou compostables. Ces plastiques-là polluent autant l'environnement que le plastique standard. Le sac bio-sourcé ne se dégrade pas dans la nature. Le sac compostable ne l'est qu'au milieu industriel, à haute température, pas dans l'environnement, ni même dans le compost de jardin, sauf s'il affiche « OK compost home ». Quant à l'oxo-dégradable, il se fragmente en petites particules, mais ne s'élimine pas. Optez au maximum pour le vrac, l'emballage en papier ou en carton, la vaisselle réutilisable. Une bonne partie du plastique produit ne sert en effet qu'une fois, c'est de l'emballage du produit à usage unique. Le plastique jetable est dans le viseur du gouvernement et de l'Union européenne. Anticipez son interdiction en renonçant aux couverts, assiettes, gobelets, pailles, touillettes, barquettes et coton-tiges en plastique. Ce qui n'est pas toujours facile quand on pique-nique, entre parenthèses. Mais c'est vrai que c'est fondamental, hein, puisqu'on sait qu'il y a des véritables tourbillons, des véritables marées de plastique dans le Pacifique, par exemple, pour ne citer que ces endroits-là. Hein, parce que bah, tout le monde jette, et puis ça se retrouve un jour ou l'autre dans la mer. Voilà. Et puis bien sûr, ce qui est recommandé, buvez de l'eau du robinet. Elle est potable et évite les innombrables déchets de bouteilles en plastique. Portez des vêtements en coton plutôt qu'en synthétique. Ce sera une multitude de microplastiques en moins dans l'environnement. Un lave-linge rempli de synthétique rejette en effet 10 000 fibres de microplastique par litre d'eau. À supposer qu'il consomme 60 litres. C'est 600 000 particules envoyées dans les stations d'épuration à chaque lavage. Même si elle les élimine à 90%, cela en fait encore beaucoup qui partent polluer la ressource en eau. Et oui, ça c'est pas trop connu, mais c'est vrai que c'est un réel problème aussi des textiles synthétiques, n'est-ce pas ? Voilà ce qu'il fallait dire par rapport au plastique. Je pense que là c'est un véritable problème pour l'environnement. Voilà. Ah oui, on va rejoindre le problème de la santé avec... je voulais quand même dire en aparté que dans les commerces, c'est assez marrant parce qu'on interdit les sacs plastiques au niveau de la caisse. Mais par contre je suis rentré dans une boulangerie à Gérardmer et puis on pouvait se servir de produits de la boulangerie. Mais les seules dispositions, ce n'est pas des sacs en papier, c'est des sacs en plastique. J'ai demandé à la vendeuse, mais comment c'est-il que vous utilisez encore des sacs en plastique pour des produits comme ça, et pas des sacs en papier ? Elle nous a dit, c'est pour voir ce qu'il y a à l'intérieur des sacs. Ben voilà, c'est tout dit, mais on n'est pas prêt de renoncer au plastique avec des raisonnements pareils. Voilà, alors, la dépakine. La dépakine, là aussi, on en a beaucoup parlé. Sanofi refuse d'indemniser. Un an et demi après la création du fonds Dépakine, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux a rendu ses premières décisions en faveur de l'indemnisation pour plusieurs familles d'enfants nés malformés ou touchés par des troubles du développement en raison de l'exposition in utero au valproane de sodium, la dépakine, ou dépakote, ou dépamine. Un antiépileptique, l'ONIAM, a d'abord déterminé si l'état de santé de l'enfant était bien lié aux médicaments avant d'estimer, pour chaque dossier, la part des responsabilités entre l'État, les médecins et Sanofi. Sanofi, le principal laboratoire, a commercialisé la molécule. C'est maintenant à ces trois protagonistes de proposer des indemnisations. Sanofi a déjà annoncé sa décision de ne pas payer, au prétexte que sa responsabilité serait surestimée. L'industriel fait valoir qu'il a dûment informé l'administration des effets de son médicament. mais que ses demandes de modification de la notice a été plusieurs fois rejetées. Face à ce refus, il reviendra à l'ONIAM d'indemniser les victimes dans un premier temps, puis de se retourner contre Sanofi. Voilà. Ben oui, la Dépakine, on connaît depuis longtemps ses effets, hein, mais jusqu'à présent, on a beaucoup de mal à remplacer ce médicament pour les crises de commercialité, en fait, d'épilepsie. On va parler encore de la SNCF. La mauvaise excuse de l'écologie, titre Que choisir. Et Que choisir de dire « c'est gonflé ». Auparavant, les acheteurs de billets à bas prix à la SNCF pouvaient choisir de les obtenir en format e-billet numérique ou cartonné, en les retirant au guichet ou à une borne automatique. Ce n'est plus le cas depuis fin septembre. Seul l'e-billet est proposé. Or, ce type de billet dématérialisé est nominatif et ne peut être cédé. L'amende encourue est de 150 euros si vous voyagez avec un e-billet qui n'est pas à votre nom, alors que les billets cartonnés n'étaient pas et pouvaient être revendus. Interpellée sur Internet, la SNCF s'est justifiée en expliquant que le groupe a pour ambition d'adopter une démarche écologique en limitant le nombre de supports. L'écologie comme excuse pour empêcher la revente de billets en augmentant le nombre de sièges vides, puisque ceux qui annulent leur voyage ne peuvent plus céder leur place, il fallait oser. La réponse de la SNCF précise aussi que le format du e-billet vous permet sa réimpression en cas de perte. Écologique, on vous dit. Ben voilà, c'est quand même de l'arnaque, quoi. Parce que, bon, après tout, si on achète un billet, pourquoi ne pourrait-on pas le céder ou le revendre, hein? On sait très bien qu'on peut avoir des problèmes au dernier moment et qu'il est quand même très difficile de se faire rembourser un billet SNCF. Voilà. Voilà, alors je dois dire qu'au niveau de Que choisir, il y a votre contribution au grand débat. Voilà, vous pouvez écrire, vous pouvez donc retrouver Alain Bazot sur son blog www.alain.bazot.fr. Oui, donc il y a beaucoup de propositions. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ça serait beaucoup trop long pour cette émission. Hein, mais dans tous les domaines, donc il y a donc 12, comme je le disais plus tôt, là, 12 propositions qui va, je vais donner les titres en vitesse, hein, répercuter les baisses des cours des matières premières agricoles sur les prix en rayon. Il y aurait 340 millions libérés. Annuler le relèvement du seuil de revente à perte qui gonfle les marges de la grande distribution. Au niveau des banques, supprimer les commissions d'intervention en cas d'incident bancaire. Il y a 2,8 milliards libérés. Eh oui, de pouvoir d'achat. On se rend compte quand même que c'est justement ceux qui ont le plus besoin de pouvoir d'achat qui se font flinguer par les banques parce qu'ils ont été couverts, par exemple. Toujours au niveau des banques, simplifier le changement de banque avec la portabilité du numéro de compte bancaire. 1,2 milliard libérés. D'énergie, faire varier les aides à la rénovation énergétique selon le niveau de performance et non selon les équipements. 450 millions d'euros libérés. Au niveau de l'environnement, appliquer strictement le principe prélèveur-pollueur-payeur pour l'eau potable. Il y aurait 1,404 milliards libérés. Allonger la durée de garantie légale en fonction de la durée de vie des produits. La durée légale de garantie de 2 ans est insuffisante. Passer ce délai, trop de consommateurs sont contraints de racheter un équipement neuf en cas de panne. L'allongement de la garantie légale en fonction de la durée de vie contrecarrerait l'obsolescence organisée et inciterait les industriels à produire des bains durables dans l'esprit de l'économie circulaire. C'est aussi bon pour le pouvoir d'achat que pour l'environnement. Voilà la 8e proposition, encadrer les loyers dans toutes les zones tendues. faciliter la santé, faciliter la comparaison, le changement d'assurance santé, 1,2 milliard libérés, limiter les dépassements d'honoraires, 650 millions libérés, dans les transports, réformer l'apprentissage de la conduite pour baisser le prix du permis, 365 millions libérés, et en 12, les dernières propositions de Que choisir, mais ce n'est pas limitatif, puisque Que choisir fait appel aux consommateurs pour compléter éventuellement les possibilités d'économie. Là, en 12, donc, libérer la vente de pièces de carrosserie automobile. 415 millions libérés. Hein, parce que, bon, on peut en dire deux mots avant de terminer cette émission. En France, les constructeurs automobiles décident seuls qui a le droit de fabriquer et de vendre les pièces détachées de carrosserie. Pare-chocs, phares, rétroviseurs, etc. Conséquence, le prix de ces pièces et donc de la réparation auto est bien plus élevé chez nous qu'ailleurs en Europe. Et cela se répercute sur les primes d'assurance auto. Si on supprimait ce monopole, les Français économiseraient 415 millions d'euros par an. C'est quand même considérable, hein, c'est un domaine, parce qu'on sait très bien que le coût des automobiles, de leur entretien en particulier, du carburant, ça pèse énormément sur le budget des Français qui sont obligés de prendre, leur automobile, par exemple, pour aller travailler, faire leurs courses ou même leurs loisirs. Voilà ce qu'il fallait dire. Eh bien, je crois qu'on arrive au bout de ce dossier consommateur. Je vous souhaite une très très bonne fin de soirée à toutes et à tous et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission de La Parole est à vous.